C'est Alistair Sin de groupe From Hell. Écoutez. Vous écoutez Riff d'Enfer sur Arcuset 95 FM. Eh bien, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs de Tristar QC 95 FM. Bonsoir Slasher. Bonsoir Scream. En forme? Ouais, toi? Bien, bien, bien. Alors, de retour après un lundi d'absence, hein? Oui, oui. Alors, on fait un petit coucou à Val. Voilà, coucou. Qui ne sera pas présente aujourd'hui, mais elle nous écoute et nous sommes de tout cœur avec toi, Sylval. Voilà, gros bisous. Voilà, voilà. Alors, aujourd'hui, en programme de cette émission, bien entendu, on retrouvera la Slasher Song. Oui, oui, oui. Avec une méga surprise. On peut dire. Une méga surprise, hein. On peut dire. Voilà. Et bien entendu, plein de nouveautés. On retrouvera aussi de la balade crapuleuse. Et plein de bonnes choses. On va démarrer avec Band of Spice plutôt. Oui. Band of Spice. L'album s'appelle Shadow Remain. Et le titre c'est The Pet. We'll be right back. Eh ben, c'est pas mal du tout, hein, n'est-ce pas, le slasher? Ouais, excellent. C'est donc Band of Peace avec le titre Pelt. Le prochain, ben, c'est un extrait du nouvel album de Jeff Scott Soto. Ah, Jeff Scott Soto qui a participé à des albums de Monsieur Iguig, Johan Malmsteen. D'ailleurs, oui. Même, on a mis un petit peu sur notre site, si vous avez été voir. Rivenfer.com. Voilà. Eh ben, là, vous verrez que pour le moment, ils sont en guerre un peu avec Iguig, Johan Malmsteen. Oui. Car apparemment, c'est un tyran, ce mec. Ben, ça, je l'aurais bien dit. Oui, hein. Voilà. Voilà, mais bon, c'est un putain de bon guitariste, mais un tyran. Et... Oui, voilà, il se prétend avoir tout. Non, enfin, c'est tout ce qui est. Qu'ils ont dit qu'ils ont rapporté une grande partie des compositions, et lui dit non, et voilà, et c'est parti en steak. Voilà, tout à fait. Et là, on va s'écouter donc Inside Outside. Voilà, nouveau single. Parti. Et l'album devrait arriver incessamment sous. Quelle voix quand même à ce Jeff Scott Soto. Ah là là. Voilà, un grand chanteur que j'ai eu l'occasion de voir. Et franchement, super, rien à dire. Alors, on poursuit cette programmation musicale avec un guitariste que l'on a eu l'occasion de voir au Remfest, si tu te souviens, Slasher. Oui. Adrian Vandenberg. Voilà, et là, il a formé donc, son groupe qui s'appelle tout simplement les Monkings. Vandenberg Monkings. Le nouvel album est arrivé. Ouais. Et c'est une véritable tuerie. Oui, en plus, ils n'ont pas cherché à se casser la tête. Leur premier album, Moon Kings. Et là, leur deuxième album, MK2, donc Moon Kings 2. Bien. Et on va s'écouter le titre Tight Troop des Vandenberg Moon Kings. C'est parti, vous me direz ce que vous en pensez. Quand on entend comme ça ce morceau, ben on se dit une chose, hein, le Slasher, c'est bien vite la tournée. Oui. Vandenberg, donc Adrian Vandenberg, Monkings, franchement monstrueux. Et l'album, il est super. C'est là le titre qu'on vient de s'écouter, c'est T-Drops. Oui. Vraiment superbe. Et en concert, ça déménage hein, quand même. Ouais. Notre petit Hollandais, Adrian Vandenberg. Le prochain, avant de retrouver ta Sager Song, le prochain titre qu'on va s'écouter, c'est le groupe, et c'est français, c'est Iptaidium. Oui, Heptadium. L'album s'appelle How Long Shall I Suffer Here. Et on va s'écouter Asphyxiate. Je crois que tu adores ce groupe. Oui, voilà, j'aime bien leurs anciens albums, même que j'ai eu l'occasion d'écouter, ils sont bien. Voilà, et ça te fait kiffer un petit peu. Ouais. Tu adores ce genre de choses un petit peu qui touchent un petit peu à de l'électro, métal, oui. Indus. Enfin, ça part un peu en couille, quoi, il faut dire la vérité. Ouais, voilà. Voilà, et ben on va s'écouter ça et puis après on retrouvera ta Slasher Song. Et là, je crois que tu as fait très, très, très fort pour ta Slasher Song, j'en suis sûr. On verra bien. Eh ben, le slasher, franchement, encore une fois, c'est une bonne surprise hein, quand même. Ouais. Et toi, tu aimes bien. C'est vrai que c'est de l'indus en même temps instrumental. Ouais. Ça se laisse vraiment savourer. C'est clair. Voilà. Alors, on va passer à ta slasher song. Il est 20h21 à l'horloge de notre studio. Et tu nous as choisi quoi et pourquoi ? Alors, déjà, un truc que je suis tombé sur Facebook, c'est Sam Kinison qui a fait une chanson tout simplement qui s'intitule Wild Side. Et donc, Sam Kinison, c'est qui ? C'est un humoriste qui est malheureusement décédé le 10 avril 1992 et est né le 8 décembre 1953, donc à Washington, et est mort au la même ville. Et donc, franchement, c'est une excellente chanson. On y retrouve des icônes dedans, notamment Billy Idol, Slash, plein d'autres. Donne des exemples toi aussi pour voir. Il y a Steve Steven, ouais. Lita Ford, on a... Que des gros noms du métal. Que des gros noms du métal qui reprennent cette chanson-là. Franchement, énormément, quoi. Il y a les Motley Crue, il y a vraiment de tout. Et, franchement, la bonne époque, comme on dit. Voilà. Et c'est encore une fois, tu vas nous faire découvrir, tout le monde connaît la chanson Wild Side, mais tu vas nous faire découvrir une version un peu spéciale, oui. Que je crois que tout le monde va vraiment kiffer. Encore une fois, tu fais fort, comme on a l'habitude, Slasher. Quoi. Voilà, je te laisse annoncer ton titre. Donc allez, là, on va s'écouter du Sam Kinison avec Wild Side. Alors, c'est le Slasher. Sur RQC 95 FM, sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma slasher song. Thing, I think you move me. But I wanna know for sure. Every time I kiss you, I taste what other men had for lunch. The only thing that gets you off is to see me in pain, but I think I love you. Mind. I thought I'd say that. You made me trust you to stuck the knife in my heart. You're a lying, unfaithful, untrustable traitor. But I think I love you. c'était Sam Kinison avec Wild Side. Waouh, et franchement, Wild Thing, super, bah, bon, voilà, il y a Bill Idol, Steve Steven, Zach Wild, il y a Slash, vraiment la bonne et époque, tout, à la grande époque, oui, du glams heavy metal. Et franchement, le clip, il vaut vraiment la peine, hein, c'est assez humoriste. Hein, oui, bah, voilà. Bah, de toute façon, c'est un humoriste au départ, donc. Voilà, donc très très bon choix le slasher. Merci. On poursuit avec Egomony. C'est le titre de l'album qui va arriver incessamment sous peu. C'est le nouveau Samael. Ah. Samael qu'on a eu l'occasion de voir à plusieurs reprises. Et là, le titre qu'on va s'écouter, c'est Angel of Warth de Samael. On va du côté de la Suisse. Allez, du côté de la Suisse avec Samael, non pas pour manger du bon chocolat, mais pour écouter du bon Samael. Voilà. Eh ben, tu vois, Slasher, j'attends avec impatience la tournée de Samael. Et là, c'était tout simplement Angel of Warth. J'en profite pour faire un petit coucou du côté des gens de Liège qui nous écoutent, aussi oui, du côté de Accourt, du côté de la Suisse, du côté de l'Argentine, un peu partout et même de Moucron. Hein, oui, mais car nous sommes RQC, nous sommes bien implantés ici à Moucron. Nos studios, ils sont rue de Roger Salengro à Moucron. Voilà, et merci les amis de nous écouter. Ça nous fait super, super plaisir un peu partout dans le monde et ça nous tient chaud au cœur. Et voilà, et aussi un grand courage aussi à nos amis qui aiment la musique country pour ce massacre débile, qui s'est passé à Las Vegas. Oui. Alors, on va continuer avec quelque chose un peu plus, on va dire, rythmé avec Arch Spire, avec le titre Human Murmuration. L'album s'appelle Rentless Mutation. C'est parti, ça c'est un petit peu plus énervé, c'est un peu pour vous réveiller comme ça et pour vous faciliter un petit peu la digestion, si on veut dire. Let's go. Je l'avais dit, c'est un peu plus tordu quand même. Hein. Archfire avec Human Murmuration. L'album s'appelle Ritless Mutation. Je vous l'avais dit, hein, les amis. Oui. Voilà, là on va rester, on va redevenir un petit peu plus sage avec Licence, avec Don't Touch the Light. L'album s'appelle Licence to Rock. Et j'en profite aussi pour faire un petit coucou à notre chanteur, Patrick Flanary. Oui. Qui est du côté des États-Unis, qui vient juste de se connecter, qui nous écoute. Ciao, ciao, on te fait un petit coucou. Hi, man. Et on espère recevoir bientôt un nouvel album de ton groupe qu'on apprécie très fort, Mr. Patrick Flanary. Alors, c'est parti avec License, Don't Touch the Light. Eh ben franchement, une très très bonne surprise. Hein. Oui. Don't Touch the Light. Et c'était le groupe License. On poursuit avec, alors là, si je te dis Glenn Hughes. Ah, et oui, là. Il a sorti donc, enfin, il a reformé avec Joey Bonamassa, guitariste de blues. Oui. Et là, ils ont formé un groupe qui s'appelle Black Country. Oui. Avec donc monsieur Joey Bonamassa, Derek Sherinian, Glenn Hughes, et Glenn Hughes. Et là, l'album s'appelle Communion. Ben voilà, ils se sont... Voilà, ils vont faire un petit communion ensemble. Voilà, et là, on va s'écouter Clyde. Et franchement, là aussi, ça fait du bien par où ça passe. Oui. Encore une fois, une bonne petite surprise, c'est quand même Black Country, oui. Glenn Hughes, Joey Bonamassa, Derek Sherinian, franchement, super, super, un gros album, oui. Et c'est Collide, ce qu'on vient de s'écouter juste à l'instant. Quelque chose encore de qui est vraiment pas mal, c'est Fauzi. L'album s'appelle Judas, Drinking White, Jesus. C'est ici, c'est maintenant sur RQC 95 FM. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Slasher, de Fonzi? Excellent, rien à dire dessus. Drinking White Jesus, l'album arrive incessamment sous peu. Le prochain, c'est Peter Crowley. L'album s'appelle Conquest of the Seven Seas. Et là, on va s'écouter Storm on the Wave. Et après, on écoutera un petit Satyricon. Allez. Allez. Voilà, donc c'était Patrick Crowley, Storm on the Wave, extrait de l'album Conquest of the Seven Seas. Voilà, le prochain, ben, tu les as rencontrés, tu as eu l'occasion de un petit peu converser avec eux au Hellfest, oui. Si tu te souviens bien, il y a Hellfest, 2 ans, c'est ça ? 2015, oui, c'est ça. Non, il y a 3 ans. 3 ans, oui. Il y a 3 ans. C'est le groupe Satyricons. Eh oui. Et l'album, il est là, hein, To You Breathes in the Dark, et on va s'écouter le titre éponyme, donc. Voilà, et je crois que tu aimes bien ce groupe. Hein, oui, j'aime bien. Voilà, Satyricon, c'est tout de suite, c'est maintenant sur RQC, puis après on passera à la balade. Crapuleuse. Voilà. We'll be right back. Voilà, donc c'était Satyricon avec To You Breathe in the Dark. Tu aimes hein, ça? Ah, pas du tout, du tout. Voilà, alors il est l'heure de passer à la balade crapuleuse. Et aujourd'hui, j'ai choisi une balade crapuleuse, mais on va dire pharaonique, de par les guests. De par les guests. Déjà, l'album s'appelle FB 1964. Et le titre s'appelle When the Last Bell Dissed. Donc, c'est la balade crapuleuse. Oui. Je vais citer les gens qui participent sur cet album, qui est franchement monstrueux. Ouais, c'est... franchement, encore merci à eux. Ouais, c'est un album que je vous conseille de vous procurer. Il y a un peu des sons un peu celtiques dedans, et bien, bien d'autres choses. Je vais d'abord dire les membres qui sont sur l'album, dans l'album, et puis après, parce qu'on a reçu aussi un petit papier et signé du manager en disant, ben voilà, d'autres guests qui figurent dessus. Bon, j'ai peut-être mentionné deux fois les mêmes, mais que voulez-vous. Il y a Ben Heller, Diego Petroso. Il y a, attendez, parce qu'à chaque fois, pour des chansons différentes, il y a Bobby Blitz Hillworth, Eric Schuffeli, Eric Wirzing, on a aussi Peter Bukersch, Andy Muller, Stephen Kaiser, Jennifer Batten, Berk Gerber, Chris Pief, Axel Rudipel, Giulia Marta Volare, Giuseppe Ricocielione, Baker Geber, David Dayfess, Katie Jacobi, Victor Smolski, Ivan... The Rage. Hein? The Rage, t'as raison. Ouais, Annex The Rage. Ivan Moevoljski. Il y a Innings Bags, Dr. Voisi, Tamas Petro, Julia Kostrovo, Ronnie Romero, Katie Jacobi, Tina Goeo, Ali Torch, Nita Strauss, Katie Jacobi, encore une fois. Donc c'est surtout pour les titres que je vous dis ça. Et Charlie Parra, John Norum de Europe. Je continue. Becky Gaber, Andy James, Jay Verona, David Defier, John Gallagher, Garish Holds, One Bass, Brian Maylar, Jeff Loomis, ex-Megadeth, David Tichesten, Dirty Bochart, Chris Boltendal, Udo Dirkschneider, Yanis Padopoulos, Andreas Kowalski, Andreas Girdirian. Alors, les artistes, vous les connaissez. Ben, Jennifer Batten a joué avec Dieu. Avec Michael Jackson, fatalement. Udo, Accept. John Gallagher, Raven. Gary Holtz, Exodus Slayer. Gertz, Jeremiah de Tankard. Jeff Loomis, Sanctuary Nevermore et Arch Enemy aussi. John Norum, Europe. Yanis Papadopoulos, Scott Strapp. Axel Rudipel, Axel Rudipel. Ronnie Romeo, donc Richie Blackmore et Ex-Rumbow. Victor Smolski, Almanac et Rage. Enen Bass de Metallian, Guzji et Fire One, Chris Bottendal, Grave Digger. Donc vous voyez, c'est vraiment un truc énorme que je vous conseille d'acheter, d'écouter cet album, il est monstrueux. Mais là, j'ai choisi de vous passer la balade donc de l'album FB 1964. Et on va s'écouter When the Last Bell. C'est franchement monstrueux. Je vous laisse l'écouter. Oh Mindy. Oh John. Ce slow est pour toi. Ce titre. Oui. C'est la balade. La balade crapuleuse. Thank you. is my last night here on earth. I know this moon, the last I see. Can you hear the voices in my head? Darkest truth dawning in my brain. So many thoughts, it's just the end. All of my hopes lost in this dungeon. Hero songs faintly through the wall. Give me peace for eternal rest. Thank you. Magnifique balade, franchement rien à dire. Hein. C'est FB 1964. Oui. Et le titre c'était When the Last Bell Die. Et là vous avez bien pu reconnaître qui chantait là, le slasher. Monsieur Durkin Schneider. Oui, Mr. Udo. Ex accepte aussi, hein. On le reconnaît très fort à sa voix, une voix très très. Très particulière, hein, Udo, mais un mec petit mais charmant et sympa. Oui. Sympa, voilà. Allez, le prochain, c'était. On va s'écouter. J'ai pas encore passé. C'est Black Knight Symphony avec 14 Seasons. C'est parti, c'est là, c'est maintenant. Alors, c'est bien hein, ça aussi, hein. Excellent, rien à dire. Blackened Symphony for the Season, franchement, bien, bien, bien. Très bien foutu. Through the Noise, The Descendant Dead, c'est là, c'est maintenant. L'album s'appelle Fall of Gaia, c'est pas mal non plus. Oui. Et voilà, c'est le menu un peu découverte ici, dans Rive d'Enfer. Hein, voilà. Ouais, voilà, tout le temps, tous les lundis, découverte. Voilà, mais on va d'abord vous laisser un petit peu des messages là. On va en passer quelques-uns des petits messages pour vous, d'accord ? Allez. Salut, c'est Tino de Channel Zero. Vous écoutez Rive d'Enfer avec le vrai, le grand Scream. Hello, this is Udo from Emergency Gate and you're listening to Radio RQC 95 FM. Rive d'Enfer, the Scream is your moderator. Hello, this is a nameless school listening Rive d'Enfer on RQC 95 FM with the Scream. Salut, this is Fernando from Moonspell, and you are together with me on Rive d'Enfer. Rock. Hello, here's Roland Grapper from Masterplan, and you're listening to Radio RQC 95 FM, Rive d'Enfer, The Scream! Hi, this is Uli John Roth, you're listening to Rive d'Enfer at 95 FM. Hello, my name's Jesper, I'm from DAD, and this is Rive d'Enfer, 95 FM. Please listen closely. Hello everybody, this is Joachim from Sabaton. You're listening to Rive d'Enfer on RQC with The Scream. Take care and see you on the road. Hey, this is Rachel Bowen from Skid Row and you're listening to The Screamer on Rive d'Enfer. Hey, c'est Rive d'Enfer, c'est Marcus et Spencer du Fernando Rock Show sur 95 FM. À toi Spencer. Pardon? Moi je suis trop vieux pour dire des trucs pareils. C'est Rive d'Enfer! 95 FM, yeah! Yeah. Voilà, Truth of Through the Noise, The Descended, et c'est bien, ça déménage un peu plus. Ça bouge bien. Ça bouge bien quand même, ouais. Voilà, toi, je sais que t'aimes bien tout ce qui est un peu plus envolé électro, Slasher. Ouais. Voilà, voilà. Ton prochain concert, on ne sait pas, on verra bien ce que ce sera. Ouais, voilà. Mais voilà, vendredi, on est allé pour Evergrey. Ouais, Evergrey au De Crone. Et c'était, toi, tu as bien aimé? Ouais, franchement, super bien. Ouais, et en plus, la première partie, on est tous les deux d'accord dessus. Ah oui, tout à fait d'accord. Nib, un groupe grec. Oui, un groupe grec très sympathique. Oui. Qu'on aura l'occasion de vous présenter un jour dans l'émission. Si vous aimez le progressif, je vous dis bien, si vous aimez le progressif, surtout procurez-vous leurs 4 albums. Ouais. C'est vraiment super, super. C'est super bien joué. Et voilà, des mecs super, super charmants en plus. Oui. Là, c'est un peu plus... c'est pas du tout progressif, c'est plutôt rentre dedans. Ouais. J'ai eu l'occasion de les voir à leur début. Ah. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. C'était à Diesel, si mes souvenirs sont bons. Hein, Diesel, oui. Il y avait à l'époque Nuclear Assault, les débuts de Paradise Lost, les débuts de Channel Zero, Dismember, Gathering. Et il y avait un groupe qui s'appelait, à l'époque, qui s'appelle toujours, les Cannibal Corpse. Oui. L'album s'appelle Red Before Black et on va s'écouter le titre éponyme de cet album, Red Before Black, des Cannibal Corpse. C'est parti. Before the Voilà, c'était des Cannibal Corpse, oui. L'album donc ça s'appelle Red Before Black et le titre qu'on vient de s'écouter, c'est le titre éponyme de l'album, hein, Red Before Black. Nous, voilà l'album de Cannibal Corpse. Voilà, je suis sûr certain que ça aura fait plaisir à nos amis. Oui, Agnès et Yannick. Et Agnès, voilà, tu viens de m'enlever le mot de la bouche et voilà, je suis sûr et certain. Ils ont bien un bangué, comme on dit, un bangué, en mangeant leurs pâtes, donc n'allez pas dans leur cuisine, c'est rempli de sauce tomate. Voilà, allez, non, je rigole, les amis. Allez, Charzel, l'album s'appelle Black Sun et on va s'écouter Hell Quit. Voilà, ça sonne un peu vieillot quand même, hein, mais là, oui. C'était Charzel avec Hell Quit. Oui, des fois, bah, on a des choses un petit peu surprenantes quand même. Ouais. On reçoit tellement des choses que c'est dur pour nous, des fois. Si on devait jouer tout ce qu'on reçoit par semaine, bah, on peut passer carrément une journée complète. Ouais. Même pire. Voilà, on vous remercie pas assez, d'être à l'écoute et de toujours nous écouter, de nous suivre. C'est bien. Si vous avez des idées ou des choses que vous voudriez qu'on fasse ou qu'on améliore peut-être, oui, voilà. Eh ben, on va vous rappeler notre email éventuellement. Allez, vas-y, je te laisse faire. rivedenfer.rqc@gmail.com. Donc, nous sommes à l'écoute. Voilà. Répète encore une fois le mail. rivedenfer.rqc@gmail.com. Rive donc avec deux F, bien entendu, et tout collé. Hein. Oui. Mais il a oublié quelque chose. C'est rivedenfer.rqc@gmail.com. Voilà. Allez, Devil Slee, l'album s'appelle Private Street et Hunching Tomb. J'ai pas éternué, c'est tout simplement le titre, Ancient Tomb. We'll be right back. Voilà, Devil Slick avec Unchained Tomb. Voilà. Très très bien. C'est bien, hein, c'est un peu plus calme avec des voix un peu d'outre-tombe comme ça. Hein, ça change un petit peu et voilà. Ouais. Le prochain, The Dark Element, c'est le nom du groupe. Hein, et on va s'écouter My Sweet Mystery. Yeehaw, Dark Yeehaw. Element, My Sweet Mystery. Je vous avais dit, hein, on va assez bien, on écoutera encore un groupe suisse. Et là, oui. le voici. Groupe que nous avons vu il y a pratiquement 2 ans. Il faisait la première partie de Sideburn, si tu te souviens. Qui est un groupe suisse aussi. Oui. Les Chakras. Chakra, nouvel album qui s'appelle Snake and Ladder. Oui, très belle pochette. Ouais, très belle pochette. Qui est un... C'est quoi la pochette? Un serpent. Un serpent, oh, oui, un bon snake. Snake. Et là, on va s'écouter Friday Nightmare. Des Chakras, que j'adore, groupe que j'adore vraiment. Oui. Et Marc aussi, qui est au chant, qui est vraiment un super frontman. Et une superbe voix aussi, Chakras, quand même. Ouais, excellente. Voilà. Voilà, donc c'était Chakra. Oui, excellent album. Là, je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle. Encore une fois, un grand artiste qui nous a quittés, là, récemment, ce jour, il vient d'être annoncé que Tom Petty est décédé de son internation à l'hôpital pour son arrêt cardiaque. Et donc, du coup, ils ont dû décider de débrancher le respirateur artificiel. Voilà, Tom Petty qui avait formé aussi un groupe qui s'appelait Tom Petty and the Black Hearts. Oui. La semaine prochaine, on démarrera avec une chanson de Tom Petty ici sur Rive d'Enfer. Voilà, on lui rendra hommage. Oui. Allez, on va continuer cette programmation musicale avec Communique, Pulse of the Earth. C'est tout de suite, c'est là, c'est maintenant. Communique Pulse of the Earth. J'en profite pour faire un petit coucou à notre painkiller national, aussi un painkiller, Phil. Coucou. On te fait un petit coucou et on te dit hey, vieille branche, remets-toi vite sur pattes. Voilà, remets-toi sur pattes et reviens-nous aussi dans ton émission, mon ami. Du côté de Liège, voilà. Oui, Phil. Phil, Painkiller Metal Show, avec Jeuneux et son petit ami, le Jack Russell. Hein, oui, ils sont à trois, eux, à faire leur émission. Et oui, le chien participe aussi, que voulez-vous. Moi, je vais essayer de faire participer mon poisson rouge. Mais bon, je le vois mal quand même parler avec dans le bocal. Mais quoique, quand il pète, ça fait des bulles. Allez, on rigole. Mais on va s'écouter Scarlet Riot Break, l'avant-dernier titre de l'émission, les amis, c'est parti. Voilà, donc c'était Scarlet Riot avec Break. Et ben le slasher, il est bientôt l'heure de se quitter, nous. Hein. Oui, malheureusement. Voilà, malheureusement, 2 heures, ça passe très vite. Oui. On était bien contents d'être avec vous, chers auditeurs, auditrices. Oui, voilà, on vous retrouve tous les lundis de 20h à 22h. Voilà, on fait un petit coucou aussi à Sylval qui nous a sûrement écouté. Oui. Et voilà, qui sera là de retour normalement dans 2 semaines si tout oui. va bien. Nous, on lui souhaite tout le meilleur. Voilà. Tout le meilleur du monde, comme dirait un chanteur. Oui. Alors, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, Rive d'Enfer. Je remercie tous les auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés à oui. travers le Merci monde. À vous. Même si aujourd'hui, je crois que vous étiez un peu quand même un peu moins nombreux, mais je ne vais pas peu comprendre avec ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé à Marseille, ce qui s'est oui. passé là, ce qui vient de se passer au Canada aussi. Oui. Voilà. Donc, je peux un peu comprendre le tout, quoi. Donc, on est plus tenu par l'actualité, mais bon, il faut un peu se changer les idées, il faut pas rester voilà. Sur ces actualités de merde, comme on dit. Oui. Et voilà, essayer bien un peu de s'oxygéner les oreilles et la tête. On va se quitter avec Broadway's, avec le titre The Starting Grotesque. L'album s'appelle A Fragile Riddle Creeping. Clues, voilà, et surtout restez bien branchés sur RQC oui. 95 FM. Ciao, ciao. Nous, le Slasher, on te retrouve dans deux semaines, mais sinon, on te retrouve mercredi. Oui, mercredi, donc de 13h30 à 14h30 dans l'émission Touche à tout. Touche à tout, voilà. Et moi, on me retrouvera le mercredi matin, juste un petit peu avant, à 10h. Non, 9h30 à 10h30 pour l'émission Back. Stage. Allez, ciao avec Blowway. Ciao les amis. Ciao.